Chapitre 12. Les droits du mari. Dans le petit visage exsangue, les yeux mi-clos s'entr'ouvrirent. La voix enfantine vibra faiblement. « Jimmy !» Jim déposa gauchement quelques roses sur la couverture et se pencha sur le front et la main de May. Une boule dans la gorge l'empêchait de parler. « Jimmy, Joe m'a expliqué les choses. » Mais j'ai encore des questions à vous poser. Il faut tout me dire. Plus tard, petite sœur, vous ne devez pas vous fatiguer. Non, tout de suite. Je suis beaucoup plus émue quand je ne sais pas. Que voulez-vous savoir? May ferma les yeux un instant. Étendue dans le lit blanc, les mains jointes sur la couverture, ses deux nattes blondes tombant le long des joues amaigries, elle avait l'air d'une petite fille. « Jim, » dit-elle en rouvrant les yeux, « avez-vous revu la femme fatale ? Ne parlons plus de cette femme, plus jamais. »« Jim, j'ai le droit de savoir. Je veux votre bonheur. Je voudrais tant, tant que vous épousiez une vraie jeune fille, fraîche, droite, claire, qui vous rendit heureux. »« Il n'y en a plus, mais, » dit Jim, avec lassitude. Il n'y en avait qu'une, mais ne me torturez pas. Répondez à une seule question. Cette femme, vous l'aimez? Je l'aime parce qu'elle vous ressemble, mais, dit Jim sourdement. Il y eut un long silence. Mon grand frère, dit doucement mais, racontez-moi tout, voulez-vous? Cela vous soulagera. Lorsque Jim eut terminé sa confession, elle murmura. Pauvre femme égarée, qui sait? Au fond, elle est peut-être innocente. Nous ne savons pas quelles circonstances l'ont poussée au crime. On a dû l'y forcer. Vous êtes trop indulgente, mais quand j'ai songé un instant que c'était peut-être sa main qui vous avait blessée. Oh non, je ne crois pas que ce soit elle. Tout cela s'est produit avec une rapidité telle que j'ai pu à peine m'en rendre compte. Puisque personne ne répondait à mon coup de sonnette, j'ai ouvert la porte avec la clé que m'avait donnée tante Sarah et je suis entrée dans le salon. Jim, mon sang s'est glacé quand j'ai vu tante Sarah, ou enfin la personne que je croyais être elle, braquer un revolver sur Miss Bell. Au même instant, Jane, la bonne, s'est élancée sur moi. J'avais vaguement l'impression que tante Sarah se jetait sur Miss Bell. Un instant, j'ai essayé de résister, de crier, mais la peur me serrait la gorge. Je croyais que je devenais folle. Puis, j'ai vu tante Sarah se pencher sur moi. Mais ce n'était pas elle, ce n'étaient pas ses yeux. Je crois que je me suis évanouie tout de suite. Ils n'ont pas tiré parce qu'ils craignaient qu'on entendît le coup de feu dans la maison. Mais comment est-il possible que vous ne vous soyez pas aperçu avant que ce n'était pas tante Sarah? N'avez-vous donc rien remarqué d'anormal ces derniers temps? Vous savez, cette pauvre tante a toujours été un peu étrange, si seule, si vieille, si malade, ce n'est pas étonnant. Mais elle est devenue tout à fait incompréhensible depuis qu'elle est retournée de Suisse et a voulu à tout prix aller habiter à Londres. Vous vous rappelez que je l'ai accompagnée au sanatorium, mais que je suis revenue un mois avant elle, parce que Joe était trop seul. C'est pendant ce mois-là qu'elle a connu là-bas le médecin qu'elle vénérait tant et qui l'a fait changer d'idée sur bien des choses. Mais qui est-il? Je ne sais pas. Elle l'appelait toujours le maître ou mon grand docteur. Une fois que je lui ai demandé son nom, elle m'a dit brusquement que ça ne me regardait pas, que j'étais trop jeune pour comprendre, et qu'un jour peut-être, elle m'initierait. Je ne l'ai d'ailleurs vu lui-même qu'une seule fois. Comment est-il? Plutôt grand, beau, avec une barbe noire, comme les rois assyriens, et des yeux qui donnent le frisson, des yeux terribles. J'avais peur de lui, et j'étais plutôt contente de ne jamais le rencontrer. Mais quel changement y avait-il dans la vie de Miss Smith depuis qu'elle habitait Londres? Elle avait congédié la vieille Florence et engagé une nouvelle bonne, Jane, que lui avait recommandé, je crois, le docteur. Naturellement. Et vous n'avez rien remarqué de suspect chez cette Jane ? Mon Dieu, non. Elle faisait son devoir. Elle était assez prévenante. Et puis, c'était une fille très forte physiquement. Et tante Sarah en avait besoin. Jane devait la lever, la coucher, la porter du lit sur le divan. Elle allait de mal en pis. À la fin, elle ne pouvait plus bouger. Elle souffrait beaucoup des yeux, ne supportait pas la moindre lumière, portait des lunettes noires. Je lui ai proposé une fois de consulter quelques grands médecins, mais elle a jeté les hauts cris. Personne, excepté son docteur. Elle devenait de plus en plus farouche. Je l'ai priée tant de fois de recevoir cette pauvre Miss Esther Bell. Jamais elle n'a accepté. Tout ce qu'elle tolérait, c'était la visite de Joe, une fois par mois. Il lui serrait la main, ils échangeaient quelques mots, et c'était tout. J'étais étonnée qu'elle me gardât, mais elle avait un faible pour moi. Et je crois que son docteur lui avait dit de ne pas me renvoyer. Elle aimait aussi ma voix, je lui servais de lectrice. Que lui lisiez-vous ? Jadis, à Guildford, des romans de Miss Esther Bell. Mais à Londres, elle n'en voulait plus. Elle avait des livres sur la vie future, sur l'initiation, sur un... May chercha dans sa mémoire. « Ne vous fatiguez pas, May, vous me raconterez cela plus tard. Dites-moi seulement si vous vous rappelez quelque chose qui puisse m'indiquer à peu près le moment où Miss Bell a été remplacée par quelqu'un d'autre. » « Je ne sais pas. Vraiment, je ne me rends pas compte. » Si quelqu'un, en tout cas, devait bien connaître ses habitudes. Elle était si souffrante ce dernier mois qu'elle faisait venir l'infirmière et qu'elle ne me gardait plus pour la nuit comme elle avait quelquefois l'habitude de le faire auparavant. La malheureuse, il n'était pas difficile de jouer son rôle. Dans son lit ou sur un divan, dans une chambre obscure, enveloppée de châles. Les lunettes noires cachaient ses yeux. Et souvent, elle avait une compresse sur le front. Elle parlait très peu, d'une voix chevrotante. Et l'infirmière ? Je ne l'ai vue que deux ou trois fois. D'abord, elle venait rarement, et seulement pour poser des ventouses. Ce n'est que ce dernier mois qu'elle est venue plus souvent. Tante Sarah m'avait dit une fois, il y a longtemps. La voix de May trembla légèrement. Cette infirmière a quelque chose de commun avec toi, mon enfant. Tu pourrais être, toi aussi, infirmière. Tu as la douceur qui calme les malades. Pauvre tante Sarah. Et Jonathan vous laissait passer le quart de votre existence en compagnie d'une vieille fille à moitié folle ? Dit Jim, durement. Oh, Jim, vous devriez avoir honte. La sœur unique de son père, malade, alitée. Et riche, ne l'oublions pas. Vous payez de votre personne pour son héritage. Je vous défends de dire des choses pareilles. Jonathan n'a jamais fait la chasse à l'argent. Vous savez bien qu'il m'a épousée sans dot. Il le rappelle assez souvent, murmura amèrement Jim. Pardonnez-moi, May, je ne suis pas moi-même. Vous voir blessée, défaite, pâle, me rend fou. Tout ce que je veux, c'est vous savoir heureuse. « Mais je suis heureuse, Jim !» déclara May d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre ferme. « Joe est si bon pour moi. Si vous saviez avec quel ménagement il m'a raconté l'histoire du collier, pourquoi avoir gardé cette richesse inutile qui nous a porté malheur à tous ? Si j'avais connu son existence, j'aurais supplié tante Marianne de s'en défaire. » « Et jamais elle n'y a fait allusion ?» Elle m'a dit plusieurs fois, elle m'a même écrit en Amérique en m'appelant chez elle, qu'elle avait un secret de famille à me confier. Mais elle hésitait toujours quand elle abordait ce sujet et finissait par remettre cette confidence à une autre fois. Jo m'a demandé bien souvent, pendant les dernières années, si vraiment elle ne m'avait jamais parlé d'un collier. Mais... Comment ? Interrompit Jim. Vous devez vous tromper, May. Quand ? Joe vous a-t-il parlé du collier ? Mais toujours, depuis le moment où nous nous sommes connus ? Cette question semblait le tracasser. Je croyais qu'il s'agissait d'un des vieux bijoux de tante Mariam qu'on avait volé. Mais il n'y avait pas de collier parmi eux. Hier, en me racontant tout ce que lui a dit M. Price, Joe m'a expliqué qu'il avait déjà vaguement entendu dire, par un clerc du notaire Wayne, que ma tante possédait un collier. Mais quel collier ? Il en ignorait l'origine. Jim la regarda sans mot dire. Quelques phrases échangées la veille résonnaient encore à ses oreilles. « Vous saviez pourtant, Monsieur Smith, que Miss Legge possédait un collier de perles ?»« Non, Monsieur Price, je ne le savais pas. » Pourquoi Jonathan Smith avait-il menti ? May, épuisée, s'était rejetée dans ses oreillers. « Ma pauvre enfant, je vous ai fatiguée par toutes mes questions. Je vais partir. » « Non, Jim, pas encore. Je ne suis pas calmée. Mais vous pouvez me soulager. »« Tout ce que vous voudrez, May. Dites. »« Jimmy, » murmura May très bas, « il faut me promettre une chose. Ne vous laissez pas prendre dans les filets d'une aventurière. Ne suivez une femme que si vous êtes vraiment sûr d'elle. » À cet instant, on entendit la porte du vestibule s'ouvrir et la voix de Jonathan Smith déclarer « Elle va beaucoup mieux, Lady Gwendoline. Elle sera très heureuse de vous voir. Votre visite est un honneur inespéré. » Lady Gwendoline Ormsby entra avec une grande gerbe de fleurs. « Ma chère Madame Smith, quelle joie de vous voir convalescente. Je ne viens que pour une minute. Je ne m'assieds même pas. J'ai rencontré M. Smith en route et il m'a fait le plaisir de monter dans ma voiture. Monsieur Joy, voilà bientôt une semaine que je vous attends. Vous m'aviez promis de venir, mais je sais quel coup a été pour vous, comme nous tous, l'attentat à la vie de Madame Smith. Cependant, j'en viens à me demander si la vie est un si grand bien. J'aurais voulu être à la place de cette pauvre Miss Esther Bell. » Et Lady Gwendoline s'essuya les yeux. La vie, dit Jim, est une suite de points de suspension. Jonathan Smith se tourna vers lui. Non, James, la vie est une ligne droite. La vôtre, Monsieur Smith, oui, soupira Miss Gwendoline. Madame Smith doit se sentir heureuse de s'appuyer sur un bras si fort. Nous allons la laisser se reposer. Ne nous accompagnez pas, Monsieur Smith, restez avec elle. Profitez de vos privilèges. Les droits du mari, dit Jonathan, comportent aussi des devoirs. Les prérogatives maritales ne seraient qu'une vulgaire usurpation sans le dévouement réciproque. Jim, singulièrement énervé, se leva. « Vous permettez que je vous accompagne, Lady Gwendoline ?»« Très volontiers, Monsieur Joy. De toute façon, je tenais à vous parler. » Quand Lady Gwendoline, suivie de Jim, se fut éloignée, May fit signe à son mari de s'asseoir près d'elle et posa doucement la tête sur son épaule. Jonathan Smith n'aimait pas ses effusions à une heure du jour où elles n'étaient pas réglementaires. Mais, étant donné l'état de May, il se contenta de dire avec indulgence « Vous êtes vraiment affaibli, mon enfant. Quand j'aurai réglé cette ténébreuse affaire, je prendrai un congé et je vous emmènerai en vacances pour 15 jours. » May, saisie d'un brusque remords, effleura d'un baiser le sommet dégarni de sa tête et murmura « Johnny, mon pauvre Johnny !»